Le tebdil de Pharaon n'est pas de la mécréance selon les Jahmiya contemporains. Note. Le tebdil vient du verbe baddala, qui signifie modifier. Ici, nous entendons par tebdil le fait de modifier la loi d'Allah et de la remplacer par une autre. Selon certains égarés, le fait de changer la loi d'Allah peut avoir deux formes. Il dit, lorsque les savants utilisent cette expression pour rendre mécréant une personne, il signifie par là que la personne a attribué cette loi à Allah. Le tebdil est de deux sortes. Celui qui fait sortir de l'islam, forger une loi qui contredit le consensus, puis l'attribuer à Allah. Celui qui ne fait pas sortir de l'islam, toutes les innovations et désobéissances dans la religion ne faisant pas sortir de l'islam à la base. Juger par autre que les lois d'Allah fait partie, par défaut, de la deuxième catégorie. Elle peut passer à la première catégorie si l'acte accompagné de l'attribution de la dite loi à Allah. Juger par autre que la loi d'Allah fait partie, par défaut, de la deuxième catégorie. Elle peut passer à la première catégorie si l'acte est accompagné de l'attribution de la dite loi à Allah. Fin de citation. Réponse à cet égaré. D'après lui, changer la loi d'Allah, c'est-à-dire rendre halal ce qu'Allah a rendu haram, ou bien rendre haram ce qu'Allah a déclaré halal, ce n'est en principe pas de la mécréance, tant qu'on n'affirme pas que c'est la loi d'Allah. Concrètement, selon lui, si je dis l'alcool c'est haram en islam, c'est Allah qui l'a permis. Là, je suis mécréant car j'ai attribué mon invention à Allah. Mais si je dis l'alcool, Allah l'a rendu haram, mais moi je dis que c'est halal. C'est mon avis à moi. Là, je ne suis pas mécréant, car je n'ai pas attribué la loi à Allah. J'ai juste commis un grand péché. Bien que je pense qu'aucun musulman n'aurait besoin d'une réponse à cela pour être convaincu de la fausseté de cette prétention. Et j'espère même de tout mon cœur que tout musulman lisant l'affirmation de cet homme sera effrayé de l'atrocité de cette affirmation et sera convaincu que toute personne qui défie Allah et s'oppose à sa loi et dit « Allah a dit ça, mais moi je dis le contraire » est bien plus mécréant que celui qui se cache derrière Allah et s'innocente d'avoir contredit son Seigneur. Je veux quand même répondre à cela, Inch'Allah. 1. Si je dis « l'alcool est haram », mais si je le dis, ce n'est pas parce qu'Allah le dit, mais c'est parce que c'est mon avis à moi. Exemple, je suis le roi des Belges, et je dis « je pense que l'alcool doit être interdit, car mon avis est que c'est mauvais pour la santé, et je ne me réfère pas du tout au Coran pour affirmer cela. Quel est mon statut selon lui ?» Gengis Khan, dans son Yasser, avait inventé des lois. Certaines étaient véritablement abracadabrantes, mais d'autres coïncidaient avec la loi de l'islam. Ibn Kathir dit dans Al-Bidayah wa Al-Nihayah, volume 13, page 139. Ensuite, Al-Juwayni mentionna une parcelle du contenu du Yasser. Celui qui fornique est mis à mort, qu'il soit marié ou non. Celui qui est homosexuel est mis à mort. Celui qui ment exprès est mis à mort. Celui qui pratique de la sorcellerie est mis à mort. Celui qui espionne est mis à mort. Celui qui intervient dans une dispute et aide l'un des deux parties est mis à mort. Celui qui urine dans de l'eau stagnante est mis à mort. Et celui qui s'y baigne est mis à mort. Celui qui nourrit ou abreuve un prisonnier sans l'accord de son maître est mis à mort. Celui qui trouve un déserteur et ne le renvoie pas est mis à mort. Celui qui nourrit un prisonnier ou lui jette quoi que ce soit de mangeable est mis à mort. Et même, doit se faire manger de la main à l'autre main. Celui qui nourrit qui que ce soit et mange en premier, même si celui qui est nourri est un émir ou un esclave. Ou bien, sans nourrir ses hôtes, est mis à mort. Et tout cela contredit la loi d'Allah révélée à ses prophètes, que la paix d'Allah soit sur eux. Quiconque abandonne la loi claire révélée à Mohammed, fils d'Abdullah, le dernier des prophètes, et demande le jugement d'une autre loi abrogée, il devient mécréant. Que dire alors de celui qui demande le jugement du Yasser et le fait primer sur la loi d'Allah? Celui qui fait cela est mécréant à l'unanimité des musulmans. Notez que dans la loi de Gengis Khan, les éléments suivants coïncident avec la loi d'Allah. Mise à mort du fornicateur marié, la mise à mort du sorcier, la mise à mort de l'homosexuel, la mise à mort de l'espion, selon certains juristes. Pourtant, Ibn Kathir considéra que tout l'Yasser s'opposait à la loi d'Allah. Ceci car même lorsqu'une loi coïncide avec la loi d'Allah, mais qu'elle est attribuée à un autre qu'Allah, alors cette loi est invalide. Et il n'y a aucun doute sur la mécréance de celui qui prononce cela. Si le fait d'inventer des lois sans les attribuer à Allah est de la petite mécréance, Alors Pharaon fut coupable de petite mécréance lorsqu'il dit « Je ne vous montre que ce que je considère bon et je ne vous guide que dans le chemin droit. » Sourate 40, verset 29. En effet, Pharaon déclarait ne pas croire en l'existence d'Allah et prétendait être l'unique Seigneur et divinité. Il est donc évident que lorsqu'il inventait une loi, il ne l'attribuait pas à un autre que lui, et certainement pas à Allah. Pharaon disait « Si tu adoptes une autre divinité que moi, je te mettrai parmi les prisonniers. » Sourate 26, verset 29. Or, il est connu que Pharaon n'ordonnait pas qu'on lui offre des sacrifices, qu'on l'invoque ou que l'on croit qu'il soit le créateur de toutes choses. Pharaon était une fausse divinité car il inventait des lois et imposait de s'y soumettre. Il n'a jamais attribué sa loi à Allah. Ibn Taymiyyah dit dans le Majmu' al-Fatawa, volume 8, page 220. Quiconque se fait obéir parmi les dirigeants, les savants ou les chirs, en se conformant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ordonnant ce qu'il ordonna et incitant les gens, et aime celui qui incite à la même chose que lui, alors Allah aime cela. Il aime ce qu'Allah aime, car son objectif est d'adorer Allah uniquement, et que l'obéissance permanente soit pour Allah. Quant à celui qui n'aime pas avoir un rival qui incite à cela, celui-là demande à être le seul obéi et le seul adoré. Et il aura une part du cas de Pharaon et ses semblables. Celui qui demande à être obéi en dehors d'Allah, il est comme Pharaon. Nous demandons à cet homme, que signifie le terme « être obéi en dehors d'Allah » ? Ce n'est pas celui qui demande à être obéi avec Allah, car celui qui demande à être obéi avec Allah est celui qui invente une loi, puis prétend que c'est la loi d'Allah. Allah dit, « Ceux qui ont associé diront, si Allah avait voulu, nous ne lui aurions pas donné des associés. Nos ancêtres non plus, et nous n'avons rien déclaré interdit. Ainsi, leurs prédécesseurs traitaient de menteurs les messagers, jusqu'à ce qu'ils eurent goûté notre rigueur. Dis, avez-vous quelque science à nous produire? Vous ne suivez que la conjecture et ne faites que mentir. » Sourate 6, verset 148. Allah a dit, et les idolâtres dirent, si Allah avait voulu, nous n'aurions pas adoré quoi que ce soit en dehors de lui. Ni nous, ni nos ancêtres, et nous n'avons rien interdit qu'il n'ait interdit lui-même. Ainsi agissaient les gens avant eux. N'incombe-t-il aux messagers sinon de transmettre le message en toute clarté? Sourate 16, verset 35. Et Allah dit, et quand ceux-ci commettent une turpitude, ils disent, c'est une coutume léguée par nos ancêtres et prescrite par Allah. Dis, non, Allah ne commande point la turpitude. Direz-vous contre Allah ce que vous ne savez pas? Sourate 7, verset 28. Ceux-là, ils niaient avoir interdit des choses en dehors d'Allah. Ils affirmaient au contraire que c'est Allah qui les interdisait. Mais Pharaon, lui, ainsi que les Tawarites d'aujourd'hui, ils n'attribuent pas leur loi à Allah. Pourtant, ce sont les pires des mécréants à l'unanimité des musulmans. Notons pour conclure que cet homme s'est contredit lorsqu'il dit « Celui qui fait sortir de l'islam, forger une loi qui contredit le consensus, puis l'attribuer à Allah. Celui qui ne fait pas sortir de l'islam, toutes les innovations et désobéissances dans la religion ne faisant pas sortir de l'islam à la base. » Ceci pour les raisons suivantes. 1. Il dit que le fait de contredire le consensus et d'affirmer que c'est la loi d'Allah, cela fait sortir de l'islam. 2. Puis il dit que les innovations ne font pas sortir de l'islam. Question pour cet égaré. L'innovateur attribue-t-il son innovation à l'islam? Si la réponse est oui, et elle ne peut être que oui, alors pourquoi ne le juges-tu pas mécréant? En effet, l'innovation dans la religion réunit tes conditions du tabdil. 1. Inventer un principe qui contredit le consensus. 2. Affirmer que ce principe est la religion de l'islam. Sinon, trouve-moi une seule innovation d'un innovateur qui déclare que son innovation n'est pas religieuse et ne fait pas partie de la religion d'Allah. Est-ce que les Jahmiya, les Asha'ira, les Qadariya, les Khawarij, les Mu'tazila disent « Notre doctrine ne vient pas d'Allah, c'est nous qui l'avons inventée et nous reconnaissons nos péchés. » Donc l'affirmation de cet homme, celui qui invente un principe ou une loi et affirme que c'est la loi d'Allah sort de l'islam, n'est pas tout à fait juste et impliquerait que tout hérétique sort de l'islam et cela contredit la voie de nos pieux prédécesseurs. Quant aux innovations faisant sortir de l'islam, voici comme Hafid al-Hakami définit ce point dans son livre Ma'arij al-Qabul, volume 2, page 522. La règle pour l'hérésie invalide dans l'islam, c'est de renier une chose unanimement reconnue dans la loi islamique fréquemment, inévitablement comme en religion, comme renier une obligation ou bien imposer ce qui n'a pas été imposé, ou permettre une interdiction, ou interdire ce qui est permis, ou croire une chose sur Allah qu'Allah s'est exempté à lui-même, ou bien son messager ou son livre, comme négation et affirmation, car ceci dément le livre ainsi que le messager qu'Allah a envoyé avec son messager. Conclusion. Rendre halal ce qu'Allah a rendu haram, et rendre haram ce qu'Allah a rendu halal, est une hérésie expulsant de l'islam. Et Allah demeure le plus savant.